franceinter.com. Imprévisible, tel est l'adjectif qui revient le plus souvent sous la plume des journalistes ou diplomates à propos de la Corée du Nord. Imprévisible, car cette dernière survivante de l'ère stalinienne ne cesse de souffler le chaud puis le froid, alternant les provocations guerrières et les rodomontades avec des propositions de négociation ou des déclarations rassurantes sur son arsenal nucléaire. Et pourtant, Monsieur X, pour sa part, il va nous en faire la démonstration, pense que les foucades nord-coréennes sont en réalité très calculées et qu'elles répondent à la poursuite d'objectifs très précis. Autre raison de parler de cette monarchie communiste où les dirigeants se succèdent de père en fils, la récente révélation par Wikileaks de la livraison de missiles balistiques de longue portée à l'Iran. Vrai ou fausse, cette information inquiète au plus haut point les pays occidentaux qui envisagent même, c'était l'un des objets de la dernière réunion des pays de l'OTAN, de construire un bouclier antimissile pour se protéger des fusées iraniennes. Monsieur X revient donc sur toutes ces questions, à commencer par les liens troubles entre ces pays voyous, pour reprendre l'expression de George Bush Jr., qui échangent armes et secrets nucléaires. Mais il évoque aussi les relations dangereuses qui existent entre les deux Corées, deux pays qui officiellement sont toujours en état de guerre. Jamais encore depuis la chute du mur de Berlin, on avait semblé si près de revivre la guerre froide. Ouais, vous parlez du sanglant épisode là, de ce bombardement nord-coréen sur une île appartenant à la Corée du Sud. Sur la petite île de Yongpyeong, à quelques encablures des côtes nord-coréennes. L'un des plus graves incidents depuis la signature de l'armistice de 1953. Car derrière les deux protagonistes coréens se trouvent les États-Unis et la Chine. Mais il faut tout de même dire que la Corée du Nord n'a jamais reconnu la possession de ce chapelet d'îles situé en mer Jaune par son jumeau sud-coréen. En réalité, Pyongyang n'a même jamais reconnu le tracé de la ligne de démarcation telle qu'elle a été établie par l'armistice de 1953. Ouais, c'est donc un objet permanent de contestation entre les deux Corées. Et un prétexte pour procéder à de multiples provocations, tant sur terre que sur mer. Des provocations qui sont surtout le fait de la Corée du Nord. C'est exact, cette Corée du Nord dont on a parfois du mal à comprendre les véritables motivations. Et pourtant, m'avez-vous laissé entendre là, avant l'enregistrement de cet entretien ? Ces motivations sont loin d'être irrationnelles. Et j'essaierai de vous le démontrer, mais auparavant, un mot sur cette guerre de Corée qui ne s'est donc jamais officiellement terminée, puisque aucun traité de paix n'a été signé à son issue en 1953. Seulement un armistice. C'est ça. Je vous rappelle que ce conflit a mis aux prises, aux côtés des Sud-Coréens, des troupes de l'ONU, surtout nord-américaines, et des soldats chinois venus soutenir les Nord-Coréens. Une terrible guerre qui a provoqué la mort de 2 millions de personnes et le déplacement de millions d'autres. Voilà, on a parlé aussi de l'utilisation de l'arme chimique ou biologique. Oui, ce sont les communistes qui ont accusé les Américains d'en avoir fait usage. Mais il faut aussi faire la part de la propagande. Quoi qu'il en soit, à la fin des opérations militaires, on a donc décidé la création d'une ligne de démarcation sur le 38e parallèle. Un corridor de 4 km de large qui sépare les deux Corées. Ouais. Et où les deux armées, forcément, se regardent de part et d'autre en chien de faïence. Et où stationnent aussi depuis plus d'un demi-siècle 30 000 GIs. Cette ligne, qui n'est donc pas reconnue par Pyongyang, se poursuit théoriquement en mer. Et c'est par conséquent une autre source permanente de confrontation. Car en 1977, la Corée du Nord a décidé unilatéralement de porter à 70 km sa zone maritime militaire. Les îles de l'archipel Dongjin, auxquelles appartiennent Yongpyeong, se trouvent donc théoriquement englobées dans cette zone. Et les Nord-Coréens revendiquent leur possession. Naturellement. Et le récent bombardement est donc un rappel meurtrier de cette revendication. Alors, voyons rapidement comment ont évolué les relations entre le Nord et le Sud depuis 1953. Et d'abord, comment les jumeaux ennemis sont dirigés ? Au Nord, vous le savez, c'est une dynastie communiste qui est au pouvoir. Ouais, les Kim. Et pour commencer, Kim Il-sung, un dirigeant qui a régné d'une main de fer sur son pays, y compris en procédant à de nombreuses purges sanglantes dans son propre parti. Oui, en instituant un ahurissant culte de la personnalité. Le grand leader, comme il aimait à se faire appeler, a même érigé en dogme sa pensée, le Juche. Qu'est-ce que c'est que ça ? On pourrait traduire par « affirmation de la maîtrise de soi-même » ou encore « autosuffisance ». Et c'est assez étonnant dans un pays qui connaît régulièrement des crises alimentaires qui prouvent à l'évidence que la Corée du Nord est étroitement dépendante du grand frère chinois ou même de son petit frère du Sud pour pallier ses insuffisances. Alors le Juche, c'est un mélange de nationalisme, de marxisme-léninisme et d'exaltation de la volonté. Ouais, tout ça donc assaisonné de culte de la personnalité. Bien sûr, Kim Il-sung était assimilé à une sorte de dieu vivant. Et tenez, même aujourd'hui, plus de 15 ans après sa mort, le grand leader est toujours président de son pays. Et président pour l'éternité. Il n'a jamais été officiellement remplacé. Et son fils alors ? Kim Jong-il ? Le cher dirigeant, comme on l'appelle, n'est que le secrétaire général du parti. Et d'une certaine façon, on poursuit l'illusion que, depuis son mausolée, c'est toujours le père qui règne. Ouais, et aujourd'hui, alors que Kim Jong-il semble très malade, il faut se préparer à voir son fils lui succéder. Kim Jong-un, un gamin obèse de 27 ans qui est promu du jour au lendemain général à 4 étoiles. Mais on va en reparler. Parce que cette question de la succession explique peut-être les derniers événements. Alors, l'autre côté maintenant. La Corée du Sud. Oui, le président Syngman Rhee, qui se fait réélire à deux reprises grâce à une modification de la Constitution, n'est pas un démocrate pur sucre, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour obtenir sa deuxième réélection en 1956, il use des expédients les plus divers, emprisonne les députés de l'opposition et instaure la loi martiale. Ouais, une sorte de dictature, non ? Enfin, une dictature qui n'ose pas dire son nom et qui est soutenue à bout de bras par les États-Unis. Ouais, à cause de la proximité du voisin communiste du Nord. Bah, évidemment, mais en 1960, à la suite de violentes manifestations de rue, Syngman Rhee s'enfuit aux États-Unis. Et la Corée du Sud connaît une brève période démocratique, jusqu'au putsch du général Park Chung-hee en 1961. Et là, nouveau régime dictatorial. En 1979, le général président est assassiné, sans doute par ses propres services secrets. Mais les militaires restent au pouvoir. Et il faut attendre 1988 pour voir réapparaître la démocratie en Corée du Sud. Mais les deux présidents qui arrivent au pouvoir, deux généraux, seront ensuite condamnés à mort pour corruption. Ils seront graciés, je crois. Peut-être, oui. Enfin, en 1993, un premier président civil est élu. Puis ce sera le tour, en 1997, de Kim Dae-jung, un ancien dissident sous la dictature de Park, qui a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat perpétrées par les services secrets. Et c'est un homme qui recevra, lui, le prix Nobel de la paix. Eh oui, car cet homme, plutôt classé à gauche, sera l'inlassable artisan de la réconciliation avec le Nord. Il prendra de nombreuses initiatives en ce sens. C'est exact. Et son successeur, en 2002, suivra aussi cette voie. Malheureusement, ce dernier sera accusé de corruption et finira même par se suicider. Alors aujourd'hui ? Le président actuel s'appelle Lee Myung-bak. C'est un conservateur qui, contrairement à ses deux prédécesseurs, a adopté une ligne dure face aux jumeaux du Nord. C'est même grâce à ce programme qu'il a pu se faire élire. Mais cette ligne dure-là, ça consiste en quoi ? Cette politique de fermeté se traduit par le refus de toute assistance au Nord tant que Pyongyang ne respecte pas ses engagements. Quand vous parlez d'assistance, là, vous évoquez surtout l'aide alimentaire. Ah oui, parce que la Corée du Nord, je vous l'ai dit, souffre en permanence de pénurie. Et sa population est majoritairement sous-alimentée. J'ajoute, pour compléter ce tableau, que si la démocratie a été rétablie en Corée du Sud, la loi dite de sécurité nationale n'a toujours pas été abolie. Or, elle permet à l'État de restreindre à tout moment les libertés civiques, en cas de menace communiste, par exemple. Et la démocratie est donc sous surveillance. C'est ça. Et il est vrai que les rapports très particuliers qui existent entre la Corée du Sud et son inquiétant voisin du Nord peuvent justifier cette disposition insolite dans une démocratie. Alors justement, là, ces rapports entre le Nord et le Sud. Bon, je ne veux pas remonter trop loin, rassurez-vous. Commençons donc par l'année 1968. En janvier, un commando nord-coréen attaque la résidence présidentielle de Park à Séoul. Mais ils sont neutralisés et tués, à l'exception d'un seul qui, interrogé, déclarera que l'objectif était de décapiter le président. Ouais, le général Park, donc. Et celui-ci entend rendre l'appareil au numéro 1 nord-coréen Kim Il-sung. Pour ce faire, il forme une section spéciale d'une trentaine de combattants qui subissent un entraînement surhumain, si dur même que plusieurs d'entre eux y laissent la vie. Et les autres, hein ? En principe, leur mission consiste à s'introduire en Corée du Nord pour y assassiner Kim Il-sung. Mais les mois et même les années passent sans que l'ordre de passer à l'action soit donné. D'ailleurs, le contexte international et le rapprochement entre Washington et Pékin au début des années 70 décident Park à surseoir à cette opération. Mais ça n'est pas du goût de ces hommes qui ont été entraînés à tuer. Démoralisés, en août 1971, ils se retournent contre leur maître et attaquent non pas Pyongyang, mais Séoul. Toutefois, ils sont assez rapidement encerclés par l'armée et se font exploser dans un bus dont ils s'étaient emparés. Étonnante histoire, hein ? Mais qui a longtemps été couverte par le secret. En tout cas, c'est l'un des premiers épisodes d'une guerre de l'ombre qui va faire de nombreuses victimes. Rendez-vous avec X. L'ahurissant royaume. Tel est le titre d'un article paru récemment dans Le Point sous la signature du journaliste Sébastien Faletti. Chose vue et entendue en Corée du Nord, je cite. Ici, le visiteur est escorté à chaque pas et tout contact ou photo avec l'homme de la rue est banni. Les clichés sont réservés aux innombrables statues du leader qui doivent être prises plein cadre. Un plan rapproché serait un crime de lèse-majesté. Pas de chewing-gum devant le mausolée du président Kim Il-sung, prévient notre escorte avant de visiter le Saint des Saints. Le voyageur est prié de se mettre sur son 31, costume-cravate si possible, pour se présenter devant celui qui règne à jamais sur le royaume ermite. « C'est mon premier père », explique Han Su-yang, qui a revêtu pour l'occasion un hanbok rouge flamboyant, le costume traditionnel coréen. Dans la vraie vie, son géniteur biologique occupe un haut poste au ministère du Commerce, mais elle arbore fièrement chaque jour sur sa poitrine un petit badge rouge à l'effigie du grand dirigeant, comme tous les habitants à partir de l'âge de 13 ans. Autres incidents ou graves provocations ? En 1969, un avion sud-coréen est détourné par des pirates et il atterrit en Corée du Nord. Les passagers ne seront jamais rendus à la Corée du Sud. Ça, c'est du terrorisme d'État. En effet. Et Pyongyang n'hésitera jamais à avoir recours à ce genre de méthode. Ainsi, un peu plus tard, en 1979, un diplomate sud-coréen est enlevé en Norvège. Puis en 1983, à l'occasion d'une visite présidentielle sud-coréenne en Birmanie, une bombe explose au passage du cortège. Il y a 21 morts, dont 4 ministres de Séoul. Plus grave encore. En 1987, en octobre, un chalutier sud-coréen est attaqué à la mitrailleuse par un navire de guerre du Nord. Puis en novembre, c'est un attentat contre un avion de la Korean Airlines. Une histoire qui reste encore aujourd'hui bien mystérieuse. Ah ben racontez hein. C'était donc en novembre, quelques jours avant une élection présidentielle en Corée du Sud. L'avion qui doit se rendre à Séoul fait escale à Abu Dhabi. Deux passagers porteurs d'un passeport japonais descendent. Et l'avion redécolle. Mais alors que l'appareil survole la Birmanie, il explose. Et bien sûr, la centaine de passagers et de membres d'équipage périt. Mais la suite est assez extraordinaire. L'un des voyageurs descendu à Abu Dhabi, une femme, est retrouvé. On la soupçonne d'avoir introduit une bombe dans l'appareil ? Oui, et appréhendée, elle aurait fait une tentative de suicide. En même temps, les autorités de Séoul affirment que c'est une espionne nord-coréenne. Et donc que c'est Pyongyang qui a commandité l'attentat. Ah oui, on dit même que c'est Kim Jong-il qui a personnellement donné l'ordre. Et cette terroriste, une femme d'une très grande beauté, Kim Yoon-hi, est condamnée à mort et fait les unes des magazines. En raison de sa beauté. Très certainement. Elle est ensuite graciée. Et disparaît momentanément. Mais on la revoit des années plus tard à Tokyo, où elle est reçue comme un chef d'État. C'est extravagant, là. Que s'est-il passé ? Eh bien, cette supposée nord-coréenne vient au Japon pour donner des nouvelles de quelques citoyens nippons enlevés dans les années 60 et 70 par des commandos nord-coréens. Oui, ça, c'est une affaire très sensible au Japon. Hein. Oui, on en reparlera. En tout cas, donc, elle assume là sa condition d'espionne nord-coréenne. Oui, mais repentie, car elle vivrait désormais en Corée du Sud. Toutefois, son histoire ne s'arrête pas là. Car des journalistes ont aussi prétendu qu'elle était en fait un agent des services sud-coréens et qu'elle a perpétré l'attentat contre l'avion pour favoriser l'élection d'un président conservateur en 1987. Ouais. Tout ça est diablement embrouillé. Hein ? Ouais, c'est à l'image des rapports entre les deux Corées, car ce n'est qu'un épisode dans cette guerre souterraine. En 1988, un sous-marin du Nord fait une incursion dans les eaux territoriales du Sud. Et Séoul évoque régulièrement le cas de pêcheurs qui auraient été capturés et enlevés par des marins nord-coréens. Étant donné ce que je vous ai dit à propos de la frontière maritime, c'est le plus souvent en mer Jaune qu'on observe des incidents entre les deux pays. Et des incidents qui arrivent par hasard ? Difficile d'y croire. Pyongyang a mis au point une stratégie de la tension très calculée. En 2002, par exemple, juste avant la demi-finale de la Coupe du monde de football entre l'Allemagne et la Corée du Sud, un navire sud-coréen est attaqué et on dénombre 6 morts. Autre incident naval marquant, en 2001, un bâtiment espion du Nord est surpris par des vedettes de la police japonaise. Son équipage saborde le bateau plutôt que de se rendre. Et alors, ces citoyens japonais kidnappés là dont vous parliez ? Ah, ça, c'est une affaire assez incroyable. Une vingtaine de jeunes Japonais ont été effectivement enlevés près des côtes et transportés en Corée du Nord. Mais dans quel but ? Les services de Pyongyang avaient l'intention d'utiliser ces Japonais pour former leurs propres espions. En les initiant à la vie japonaise ? Exactement. Et l'affaire a fait grand bruit au Japon. Mais pas tout de suite. Car Tokyo a d'abord observé un silence prudent à propos de ces enlèvements. Mais pourquoi, alors ? Il existe de lourds contentieux entre la Corée et le Japon. Oui, c'est les conséquences de l'occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale et même avant. Oui, l'armée impériale a agi avec une terrible cruauté en Corée, en détruisant, en massacrant les civils et en contraignant des centaines de femmes à devenir des prostituées au service de leurs troupes. Par conséquent, les rapports nippo-coréens sont toujours très délicats. Et puis, à Tokyo, en cas de dénonciation de ces enlèvements, on n'avait sans doute pas envie de subir des représailles d'un État disposant de missiles et qui n'hésitait jamais à user du terrorisme pour se venger. Mais le Japon a quand même rendu publique cette affaire. Et c'est devenu une cause nationale. Mais est-ce qu'on était certain, là, à Tokyo, que ces enlèvements avaient été perpétrés par la Corée du Nord ? Au début, non. Mais en 2002, et là encore c'est tout à fait surprenant, c'est Kim Jong-il lui-même qui a reconnu la responsabilité de son pays lors d'une visite du premier ministre japonais. Et dans la foulée, il a ordonné la libération de 5 de ses kidnappés. Mais les autres sont restés en Corée du Nord. Et Tokyo réclame toujours à corps et à cri leur retour au Japon, mais en vain. Est-ce que l'arrivée au pouvoir à Séoul d'un président décidé à œuvrer pour la réconciliation... Kim Dae-jung. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que ce réconciliateur-là, quand il est arrivé, ça s'est traduit par une réelle amélioration des rapports entre les deux Corées ? Certainement. Mais avant même cette élection, on avait observé des signes encourageants. En 1990, Séoul et Pyongyang avaient déjà signé un accord fondamental préconisant la réconciliation et même la coopération. Un début de dialogue, en tout cas. Effectivement. Mais la mort de Kim Il-sung en 1994 a mis provisoirement fin à ce rapprochement. Et on a même assisté à une recrudescence des incidents entre les deux pays. Alors pourquoi, selon vous ? Le fils, Kim Jong-il, avait certainement besoin de conforter son pouvoir et de prouver à l'armée et au cercle dirigeant qu'il était le digne fils de son père. En faisant preuve de fermeté. C'est très probable. Et ça s'explique aussi par la différence dans l'évolution des deux pays. La Corée du Sud a connu une réussite économique incontestable, tandis que la Corée du Nord s'est enfoncée dans la pauvreté et la pénurie chronique. Mais une situation catastrophique compensée par un développement considérable de ses capacités militaires. Au détriment de sa prospérité économique. C'est évident. Et ce grand écart entre les deux pays n'a fait que s'agrandir. Mais je reviens à ce que vous disiez. L'apaisement après l'accession au pouvoir à Séoul de Kim Dae-jung. En 2000... ce dernier se déplace même à Pyongyang. Ah, ça, c'est une première. Et en retour, le Sud-Coréen invite Kim Jong-il à venir à Séoul. Le Nord-Coréen promet, mais ne fera jamais le déplacement. En tout cas, c'est vrai que le climat est meilleur. Le président sud-coréen plaide pour une aide économique massive à la Corée du Nord. Et des familles séparées depuis 1953 ont pu se retrouver. Oui, certains se sont mis à croire à la possibilité de la réunification. Oui, mais très vite, il est apparu que la Corée du Nord n'entendait pas payer de retour son partenaire du Sud. Elle n'a en particulier jamais envisagé sérieusement de mettre un terme à ses efforts pour se doter de l'arme nucléaire, ou même de les ralentir. Et pourtant, c'est la question qui préoccupe au plus haut point les Sud-Coréens. Ça se comprend. La première bombe nord-coréenne a été expérimentée en 2006. Ou une bombinette. Peut-être, enfin une bombe quand même. Et c'est pourquoi au Sud, l'opinion était de plus en plus hostile à cette politique de rapprochement avec le Nord, symbolisée en 2007 par une deuxième visite d'un président sud-coréen à Pyongyang. Séoul a alors fait un geste de bonne volonté en demandant que la Corée du Nord soit retirée de la liste des pays soutenant le terrorisme. Ouais, les pays voyous. Mais un an plus tard, le climat change radicalement. Il y a d'abord, je vous l'ai dit, l'élection à Séoul d'un président qui annonce clairement que son pays ne se laisserait plus manipuler par son voisin du Nord. Oui, parce que les efforts sont toujours consentis par le Sud et jamais récompensés par le Nord. C'est ça, oui. Et d'autre part, au mois d'août 2008, ce cher dirigeant est victime d'un accident cérébral. Et comme lors de la mort de son père, Kim Il-sung, la Corée du Nord se durcit sous la pression des généraux et donne l'impression de se replier sur elle-même. On va donc à nouveau assister à des incidents entre les deux pays. C'est presque inévitable. Et ça s'explique aisément. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud sur France Inter. Une réunification des deux Corées est-elle possible? La spécialiste et géographe Valérie Gélézo répond dans une interview accordée à Mediapart en 2009. Plus de 60 années se sont écoulées depuis la partition. Un sentiment d'irréversibilité s'est fait jour. Des études ont été menées auprès de visiteurs du Sud qui ont pu, au début des années 2000, se rendre au Nord à l'occasion de la politique d'ouverture de la frontière partielle et limitée menée jusqu'à l'été dernier. Les touristes pouvaient rallier par voie terrestre la ville de Kaesong et les monts Kumgang. Or, en ces lieux-ci, en juillet 2008, dans des circonstances non élucidées, une Sud-Coréenne s'est aventurée dans une zone interdite et a été abattue par un soldat nord-coréen. La frontière, dont l'ouverture avec ses contacts directs intercoréens provoquait parfois des réactions jugées incontrôlables par les deux Corées. Les touristes sudistes découvraient tous à quel point ce nord était proche géographiquement, mais désormais éloigné sur le plan social, économique, culturel et politique. Le nord devenait pour eux un État qui existe avec sa citoyenneté. La partition apparaissait comme une affaire relevant de la longue durée. Bon, avant de vous donner les clés de l'attitude apparemment imprévisible de la Corée du Nord et d'évoquer les derniers et dangereux incidents, je vous propose de faire un point sur la question nucléaire. Dès 1993, Pyongyang surprend tout le monde en annonçant son intention de se retirer du traité de non-prolifération nucléaire. Et les États-Unis envisagent très sérieusement de procéder à des frappes militaires pour détruire les installations nord-coréennes. Mais l'ex-président Carter entreprend in extremis une mission de bons offices. Oui, avec succès. Hein. Oui, et c'est l'apaisement. En échange de l'aide des Américains pour la construction de deux réacteurs civils, Pyongyang annonce qu'il abandonne son programme militaire. Bon, fin de la première partie. Ouais. Et la suite? Après le 11 septembre 2001, George Bush, qui range au passage la Corée du Nord dans les états de l'axe du mal, l'accuse de poursuivre en secret son programme nucléaire militaire. Et Pyongyang relève le gant en affirmant que face à la menace américaine, la Corée du Nord a parfaitement le droit de posséder un tel armement. Conséquence, les experts de l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, sont expulsés. Et Pyongyang annonce fin 2003 que ses savants ont levé tous les obstacles techniques préalables à la construction d'une bombe atomique. Pourtant, peu après, une délégation états-unienne est autorisée à visiter les installations nord-coréennes. Ouais, toujours le chaud et le froid. Et c'est aussi en 2004 que le savant pakistanais Abdul Khan reconnaît avoir donné un coup de main aux Coréens. L'année suivante, Pyongyang annonce se retirer des pourparlers ouverts dans le cadre du groupe des six, États-Unis, Russie, Chine, Japon et les deux Corées. Mais 6 mois plus tard, volte-face, la Corée du Nord veut bien à nouveau négocier et affirme même en septembre qu'elle renonce à l'arme nucléaire. C'est décidément très chaotique. Et ça continue. En 2006, après avoir expérimenté des missiles en mer du Japon, la Corée du Nord annonce avoir procédé à son premier essai nucléaire, tout en promettant d'ouvrir des négociations et d'accueillir les experts de l'AIEA. Mais en mai 2009, ce sera le deuxième essai nucléaire nord-coréen. Enfin, en 2010 à nouveau, Pyongyang se déclarera prêt à ouvrir des négociations bilatérales avec les États-Unis. Difficile d'y voir clair. Mais en 2010, vous le savez bien, ce sont d'autres événements qui vont attirer l'attention sur la Corée du Nord. Oui, à commencer par le torpillage d'une corvette sud-coréenne. Mais déjà, au mois de janvier, on observe des échanges de coups de feu dans la zone frontalière proche de la mer Jaune. Les prémices. Oui, parce que très vite, ça va être l'escalade. En mars, il y a donc le drame de cette corvette, le Cheonan, qui coule avec 46 hommes à bord après une explosion. Près de cette fameuse frontière maritime contestée. Oui, une commission d'enquête internationale conclut à la responsabilité de la Corée du Nord. C'est une torpille tirée par l'un de ses sous-marins qui aurait frappé le bâtiment. Et le chef d'État sud-coréen menace de saisir le Conseil de sécurité et exige des excuses. Ouais. Réaction à Pyongyang On nie toute implication dans ce drame. Mais il faut quand même le remarquer, une autre enquête diligentée par les Russes indiquera que la corvette a brisé une hélice sur des hauts fonds et que, devenue ingouvernable, elle aurait ensuite touché une mine sud-coréenne. Ouais. Qui croire, hein ? Bah franchement, je ne sais pas. Enfin, il faut noter la prudence de l'ONU qui, tout en déplorant le naufrage, se gardera bien d'accuser ouvertement Pyongyang. Quoi qu'il en soit, à la suite de ce drame, les États-Unis annoncent un renforcement des sanctions économiques contre la Corée du Nord et le lancement pendant l'été d'importantes manœuvres navales dans la zone litigieuse qui borde les côtes des deux Corées. Ouais. Manœuvres qui provoquent évidemment la colère de Pyongyang. Et le mécontentement de la Chine qui procède elle aussi à des manœuvres en mer Jaune. En octobre, on échange à nouveau des coups de feu au nord-est de Séoul. Et puis, fin novembre, c'est le bombardement de la petite île de Yongpyeong. Et à ce moment-là, on craint le pire. Eh oui, parce qu'à Séoul, on annonce le renforcement de la présence navale sud-coréenne en mer Jaune et l'élévation du niveau d'alerte de l'armée. Et que les États-Unis envoient un porte-avions nucléaire dans la région et vont procéder à de nouvelles manœuvres avec la Corée du Sud. Le ton monte de part et d'autre. Et Séoul parle même d'étudier une riposte militaire, tandis que les autorités chinoises, furieuses de voir à nouveau les bâtiments états-uniens si près de leur propre côte, mettent en garde contre toute action militaire unilatérale. Toutefois, et très curieusement, en même temps, Pyongyang, frappé par une nouvelle crise alimentaire, demande de l'aide à son jumeau du Sud. Et Séoul accepte ? Oui. C'est vraiment très bizarre, hein ? Et ça m'entraîne justement à vous expliquer de façon plus précise ce comportement nord-coréen qui semble à première vue complètement erratique. Et pour bien comprendre, il faut d'abord évoquer les rapports de la Corée du Nord avec la Chine. Oui, parce qu'on pourrait penser que si elle agit ainsi, c'est qu'elle se sent à l'abri du parapluie chinois. Et il est vrai que ça a été longtemps le cas. Mais ça change ? Absolument. Parce qu'à Pékin, on n'est pas loin de penser que Pyongyang est vraiment un allié encombrant et malaisé. Toujours prompte à vous créer des soucis et à vous placer dans des situations inconfortables. Par exemple, à cause des incartades de la Corée du Nord et de ce bombardement meurtrier sur une petite île sans importance, les forces états-uniennes ont manœuvré en mer Jaune. Et ça ne plaît pas à Pékin, ça. Ah, forcément. Les Chinois entendent avoir pour eux-mêmes une totale liberté de manœuvre dans ce qu'ils considèrent être leur mer. Ouais. Cette exaspération va même si loin que les chercheurs de Pékin sont en train de mettre au point un nouveau missile susceptible de détruire les porte-avions. Une arme qui pourrait rendre un peu plus compliquées les manœuvres américaines en mer de Chine. Ouais. D'accord pour toutes ces réserves-là, mais pour la République populaire de Chine, la Corée du Nord reste néanmoins une alliée. Sans doute, mais on commence à penser que les bénéfices qu'on en tire ne compensent pas les ennuis qui résultent de cette alliance. Et puis, même à Pékin, où l'on n'a pas de leçons de démocratie à donner, on est exaspéré par les foucades de cette dynastie communiste qui affame sa population et ne cesse de se livrer à des provocations de toutes sortes. D'autant que la diplomatie chinoise doit, à chaque fois, s'entremettre pour éteindre le feu. Vous parlez de bénéfices, là. Bah, de quelle nature sont-ils ? La Corée du Nord est certes un tout petit allié pour l'immense empire chinois, mais un allié quand même. Et surtout, de par sa seule existence, elle sert de tampon. De tampon, là, je comprends pas. Mais s'il n'y avait pas de Corée du Nord, il y aurait des milliers de soldats états-uniens à la frontière de la Chine. Et à mon avis, c'est le seul argument qui pousse encore Pékin à soutenir le régime de Pyongyang. Sinon, il y a belle lurette que les autorités chinoises auraient laissé tomber la dynastie des Kim et auraient accepté la réunification des deux Corées sous les couleurs du Sud. Alors, si on prend les choses à l'envers, là, est-ce que la Chine a encore de l'influence sur la Corée du Nord ? Certainement. Elle joue un rôle modérateur. Et vaille que vaille, Pyongyang doit parfois se comporter en allié obéissant face à la toute-puissante Chine. La preuve en a été donnée lors du dernier été, lorsque l'on a appris que Kim Song-il avait l'intention de faire de son fils cadet son successeur. Eh bien, le cher dirigeant s'est cru obligé de faire le voyage de Pékin pour que son fiston soit adoubé, en quelque sorte, par le grand frère chinois. Et pourtant, Kim Song-il, très malade, répugne à se déplacer. Ça veut donc dire que si les dirigeants chinois le voulaient vraiment, ils pourraient au moins prévenir les agressions perpétrées par la Corée du Nord. Peut-être, mais enfin, ce n'est pas certain. Il y a même eu récemment des incidents de frontière et les militaires nord-coréens ont tué 3 Chinois. En fait, c'est encore plus compliqué que ce que vous pensez, car nous n'avons pas parlé du Japon, l'ennemi héréditaire de la Chine. Il existe encore de nombreux contentieux entre les deux pays et la guerre menée par l'Empire nippon a laissé de douloureux souvenirs en Chine. Il y a quand même eu des gestes de paix de part et d'autre, et même des excuses du Japon. Hein. Mais ça n'a pas tout réglé. Et au fond, et pardonnez-moi si l'expression est triviale, pour la Chine, la Corée du Nord est un peu comme un roquet tenu en laisse qui, si on le libère un peu, va aller mordre les mollets du voisin. C'est un peu le rôle des missiles que Pyongyang expérimente régulièrement en mer du Japon, à la grande fureur de Tokyo. Ouais. Et tout ça, bah, ça rappelle un peu la guerre froide. Hein. Exactement. Et à cause de la seule petite Corée du Nord. La Corée du Nord qui, à l'évidence, joue très habilement de la peur qu'elle inspire. C'est au fond aussi sa seule façon d'exister. C'est-à-dire... Bah, c'est d'abord vital pour le maintien au pouvoir de la dynastie des Kim. En entretenant en permanence ce climat de guerre larvée avec la Corée du Sud, les dirigeants nord-coréens justifient le régime dictatorial qu'ils imposent à leur population. D'autre part, cette crainte qu'elle inspire lui donne une stature qu'elle ne pourrait acquérir par sa seule taille démographique. Enfin, il y a un autre argument plus subtil. Expliquez. Les dirigeants nord-coréens ont compris depuis longtemps qu'à chaque fois qu'ils faisaient preuve d'un comportement provocateur, bah, ils finissaient par être récompensés. Ouais. Si vous renoncez à construire votre bombe, on vous aidera. En vous fournissant des denrées alimentaires, du pétrole et je ne sais quoi. Dans un pays aussi démuni, l'aide étrangère est la bienvenue. Donc il n'y a aucune raison pour que ça cesse. Sauf que le voisin sud-coréen ne semble plus vouloir entrer dans ce jeu machiavélique. Donc à terme, les provocations de Pyongyang risquent un jour de rester sans effet. On peut l'imaginer. J'ajoute que la peur qu'inspire la Corée du Nord ne se limite pas à cette seule région. On sait désormais qu'elle a livré des missiles balistiques de longue portée à l'Iran et qu'elle se livre à des trafics de matières fissiles avec d'autres pays. Mais pour toutes ces raisons, seule la Chine, si elle le désire vraiment, pourra un jour lui imposer de recouvrer la raison. Deux livres pour terminer. « Corée au cœur de la Nouvelle-Asie » de Caroline Postel-Vinet chez Flammarion 2002 et de Pierre Rigoulot, « Corée du Nord » et « Ta voyou » et c'est chez Buchet-Chastel. À samedi prochain sur franceinter.com. Comme d'habitude, vous pourrez réécouter cette émission et peut-être même y accéder en balado-diffusion. Rebecca de Nantes a préparé cette émission. Merci aussi à Michel Biou qui l'a réalisée et à Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash sur De mon amour de Denis Chessou.